Mes chers camarades, juste deux petits mots par rapport à notre collègue et camarade Vianney, qui, comme vous le savez, certainement aussi enseignant. Ce matin, en AG Éducation, on a discuté d'une chose, enfin plusieurs choses, mais une chose pour le répondre davantage. Cet après-midi, à 15h, il y a un groupe de travail du CTSD, c'est le comité technique de l'inspection académique, qui gère toutes les écoles et tous les collèges d'enseignement maritime. Et on a, côté FO, côté FSU, côté CGT, on a des élus là-dedans, j'y suis aussi. Et on a décidé d'interpeller le directeur académique pour lui dire clairement, il y aura zéro poursuite contre notre collègue et camarade, sinon ça va mal se passer et on va publier tout, on va lancer une campagne de soutien pour lui. Si juridiquement toutes les poursuites sont abandonnées, tant mieux, c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour notre camarade. Mais côté administratif, on va refuser chaque sanction disciplinaire et on va faire tout en sorte pour soutenir le collègue et camarade jusqu'au bout. Donc on va interpeller le DAZN, on va lui poser aussi la question gentiment, puisque notre camarade Nadine de la FSU l'a appelé hier, si j'ai bien compris, et il a quand même déclaré qu'il n'interviendrait pas en soutien de notre collègue, ce qui est quand même purement scandaleux, puisque il a été interpellé dans le cadre d'une manifestation syndicale. Et voilà, on ne peut pas tolérer ça. Juste pour finir, actuellement, là, ce qu'on voit, c'est le début du même scénario qu'au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, le gouvernement, qui est clairement l'exécutif du MEDEF et des gros patronats, veut nous intimider, veut employer la force des forces de police pour mener une répression féroce et brutale. D'ailleurs, au niveau des Gilets jaunes, ça a marché un tout petit peu dans le sens qu'au début, les manifs étaient beaucoup plus importantes. Après, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur d'aller aux manifs le samedi. Donc, en quelque sorte, ils ont réussi partiellement. Mais cette fois-ci, chers camarades, ils ne vont pas réussir. Les capitalistes et leur gouvernement emploient toujours de la force, de la violence contre nous. On l'a vu en Irak, en Iran, on l'a vu en Algérie, à Hong Kong, au Liban. On le voit actuellement en France, on le voit depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Mais c'est notre force. La force de la classe ouvrière, on est tous ensemble, les chômeurs, les retraités, les salariés, des jeunes, et on ne va pas reculer, notre droit de manifester, on va le défendre jusqu'au bout, et grâce à notre force de mobilisation, on va dégager cette réforme pourrie, et Macron avec. Merci. Ouais.